إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ونور قلوبنا محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى أهله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم أجرني وأحبني من النار عباد الله معشر الصالحين والصالحات لنفتح مسامع قلوبنا إلى ربنا جل وعلا وهو يقول سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير معشر الصالحين حديثي إليكم حول الإسراء والمعراج هذه المعجزة الربانية هذه الهدية الربانية التي أكرم الله فيها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هما رحلتان عظيمتان الأولى رحلة أرضية من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى والثانية رحلة سماوية من المسجد الأقصى إلى السماء الأولى ثم الثانية ثم الثالثة إلى ما بعد السماء السابعة إلى ما بعد سدرة المنتهى هذا الرحلة أيها الإخوة والأخوات الله أكرم بها الحبيب صلى الله عليه وسلم ببدنه وروحه يقظة لا منام ضعاف الإيمان أول كلام الله بالقرآن كان هذا بروحه فقط إذا كان بروحه لا معنى للمعجزة كلنا أرواحنا تسيح ونحن نيام قام بها النبي صلى الله عليه وسلم والفعل فعل الله قال سبحان الذي أسرى بعبده فالفاعل هو الله الذي أسرى بعبده هو الله سبحانه عز وجل لا يسأل عما يفعل لا تنطبق عليه قوانين الجاذبية والأكسجين والهواء إلى آخره وهذا أيها الإخوة هذه المعجزة هي هدية الله لرسول الله علاش؟ فعلا اختلف في الوقت ليس التأكيد أنا كنت في رجب قيل رجب وقيل ربيع الأول قيل في السنة الأولى قبل الهجرة وقيل الثالثة وقيل غير ذلك علاش أيها الإخوة؟ لأنهم لم يكن يهتموا بسفاسف الأمور التي يهتم بها المسلمين ما كانوش يهتموا كيفاش كانت وشكون كان وشنو البلاصة اللي كانت فيها كانوا يهتموا في وقائع السيرة ما هي رسالة الله لي أنا حتى القرب الله عز وجل، ما هي الدروس والعبر في هذه الوقائع اللي حدثت في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا ما أود أن أقتسم معكم في هذا الوقت، في هذا الوقت اللي يعني يسر الله سبحانه وتعالى. مشاركين مشاركين le sermon d'aujourd'hui il sera autour inchallah des enseignements de ce voyage en Turquie et de cette ascension du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans la sourate 17, surtout le début, Allah azza wa jal parle de ce voyage terrestre qu'il a effectué avec son serviteur Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il dit Subhan alladhi asra bi'abdihi, gloire et pureté à Allah qui a fait voyager son serviteur de l'Masjid al-Haram, c'est-à-dire à Mecca, jusqu'au Masjid al-Aqsa à Jérusalem, Laylan, c'est-à-dire dans une partie de la nuit. Et la finalité, le pourquoi, il a dit Yuriyahu min ayatina, pour lui faire montrer de nos merveilles. Il y en a beaucoup qui, malheureusement, ne connaissent pas la puissance d'Allah. J'ai une polémique à ce sujet, ils disent le prophète, c'est peut-être qu'il est parti, c'est son âme qui est partie, qui a voyagé. Et nous, on dit non, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était son corps et son âme. Il était éveillé, il ne dormait pas quand il a effectué ce voyage. Parce que Allah a dit dans le Coran que celui qui a effectué cette affaire, ce n'est pas le Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est Allah. C'est celui qui a fait voyager son serviteur. Et quand il s'agit d'Allah azza wa jalla, on ne parle pas, on est sur d'autres dimensions. On ne parle pas de l'attraction terrestre ni de l'oxygène dans la terre ou dans le ciel. Tout ça, il n'a aucune importance. Allah azza wa jalla, quand il décide de faire quelque chose, il le fera. Mais ce qui est très important de savoir aussi, c'est que les anciens, ils avaient beaucoup de versions sur le temps. Quand ça a été effectué, ce voyage nocturne et cette ascension. Il y en a qui ont dit que c'était pendant le mois de Rajab. C'est pour cela, c'est l'occasion. D'autres qui disent non, c'était Rabi al-Awwal. D'autres qui disaient c'était la fin une année avant l'Hijra. Du prophète Mohammed de la Mécanique, donc ils ont dit 3 ans. Et c'est très curieux de savoir pourquoi cette divergence entre les anciens à propos de ces détails. Parce que tout simplement, ils ne s'intéressaient pas aux détails qui nous préoccupent aujourd'hui. Pour eux, quand il y a un événement de Sira, la question qui se pose, quel message Allah m'envoie à moi, quel enseignement je dois tirer de ça pour me rapprocher de lui. Le reste n'est pas important, il ne retenait même pas. Il retenait le fond du message. C'est ce que, humblement, je souhaite partager avec vous aujourd'hui. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait ce voyage, donc dans une partie de la nuit et une partie de la Mecque, jusqu'à Jérusalem, il est monté dans les cieux. Quand il est revenu dans la même nuit et le lendemain, il a raconté ça à sa cousine Ummu Hani. Et Ummu Hani lui a dit, s'il te plaît, ya Rasulallah, ne leur dis rien. Ils sont tellement méchants avec toi. Ne leur dis rien, ils vont là trouver une occasion pour te dénigrer plus. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est un prophète, il ne joue pas. Il n'a pas caché quelque chose qu'Allah lui a donné. Il est parti leur dire, voilà cette nuit, ce qui s'est passé. Mais on n'a parlé que du voyage terrestre, que de l'Isra. Donc bien sûr qu'on s'est moqué de prophète sallallahu alayhi wa sallam. Bien sûr qu'on l'a traité de menteur. Mais ce qui était extraordinaire, l'enseignement que je viens de tirer de là, c'est quand on est parti chez Abu Bakr alors qu'il n'était pas avec eux, pour lui dire, est-ce que tu en penses que ton copain, il dit que cette nuit-là, il est parti jusqu'à Jérusalem, il est revenu, alors que nous, il ne suffit pas un mois d'aller, un mois de retour, on le fait. Si on fait du temps de 2 mois, Et Abou Bakr le répète, il réplique avec la certitude de quelqu'un qui a tout compris. Il lui a dit, est-ce que vraiment il l'a dit? Ils ont dit oui. Il a dit, moi je jure par Dieu, s'il me dit même qu'il est monté au-delà du septième ciel, je le crois. Tu le crois, pourquoi tu le crois? Il a dit, parce qu'en tant que croyant, je ne crois qu'à chaque fois qu'il me dit capable, il fait descendre l'ange Gabriel pour lui ramener le message. Celui qui est capable de descendre l'ange Gabriel, il est capable de faire élever Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'était un cadeau d'Allah subhanahu wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et quand on étudie la sira, la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on comprend comment et combien il a souffert le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Durant ces années, bien cette période qu'on appelle la période écoise, combien de persécutions, combien de tortures psychologiques et même matérielles qu'on a infligées à ses compagnons. C'est comme si je vois Mohammed sallallahu alayhi wa sallam marcher dans la mer, impuissant, en voyant les tortures qu'on a infligées à Bilal, à Souhaïl, en voyant la famille de Yasser. Yassir, Ammar, Soumaïa, torturés par Abu Jahl, impuissants de rien pour eux, sauf qu'il leur dit, sabran ala Yassir, inna mu'idakum al-jannah. Patience, famille de Yassir, notre rendez-vous est au paradis. Des souffrances qu'il a subies, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, jusqu'à cette décision injuste de faire un embargo et d'isoler la famille de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et les compagnons et les mouchriquins qui sympathisaient avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est la famille de Hashim et la famille de Muttalib, on les a encerclés dans un endroit qui s'appelle Sherb Abi Talib. Pendant 3 ans, on ne laissait rien rentrer. Pendant 3 ans, ils ont vu leurs enfants mourir de faim. Ils ont mangé la terre. Ils ont mangé ce qui n'est pas mangeable. C'est pas le moment de parler de ce moment. Ça mérite une conférence au seul. Cet embargo qu'a subi le prophète sallam. Et juste après, ce qu'il y avait sur Mohammed sallam, ce qu'on appelle l'année de tristesse. Suite à cet embargo, il va perdre le grand soutien qui était Abu Talib, son oncle qui l'aimait beaucoup. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'aimait beaucoup, Abu Talib l'aimait beaucoup, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ils n'avaient pas la même religion, mais ils étaient d'un grand soutien. Quand il est mort, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a perdu un grand pilier. Et dans la même année, il va perdre sa femme. Il va perdre Khadija, wa ma adraka ma Khadija. L'amour que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam avait pour Khadija, c'était quelque chose d'extraordinaire. Les hadiths authentiques qui nous parlent de cette fidélité qu'il avait pour cet amour, que même après sa mort, il ne cessait pas de parler d'elle, de faire les éloges de Khadija en public, devant les hommes. Et même quand il recevait, quand il avait, il faisait des offrandes, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il partageait les sifas. Cette part c'était pour qui? Pas pour Khadija, il est mort, mais pour les copines de Khadija. Il nous raconte l'imam Bukhari dans l'authentique, qu'un jour, Hala, la sœur de Khadija, est venue voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam à la maison, et dit qu'il avait la même voix que Khadija. Quand il a entendu Hala parler devant la porte, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a sursauté de sa place en pensant que ça lui a rappelé Khadija radiallahu anha. Elle est morte injustement radiallahu anha. Et c'était une grande blessure et un grand abandon pour Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et il s'est dit, donc là, Abu Talib est mort. Ça veut dire, avant la mort d'Abu Talib, il faut comprendre qu'on ne pouvait pas s'attaquer physiquement à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais maintenant, ils peuvent se permettre. Donc, il a décidé, je vais faire, je vais partir dans un autre endroit. Je vais partir à Taif. Peut-être qu'ils seront plus réceptifs. À Taif, à peu près 90 km de Mecca, il est parti à pied. Avec son bien-aimé Zayd ibn Haritha. Il est resté 10 jours en train d'appeler les gens, d'inviter les gens à la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais au bout de 10 jours, les chefs de Taïf vont l'expulser. Pas uniquement. À l'extérieur, eh bien, de leur ville, ils vont armer des enfants, des esclaves, des fous, avec des pierres pour caillasser Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il marche, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Zayd est protégé tant qu'il peut, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il recevait les insultes et les pierres jusqu'à ce que son pied sallallahu alayhi wa sallam s'est blessé, il a saigné, sa tête s'est ouverte jusqu'à ce qu'il a trouvé refuge dans une ferme de Sheiba, d'un des chefs de la région. Donc ces fous et ces enfants, ils n'ont pas pu le suivre dans cette ferme. Et là, il y a quelque chose d'extraordinaire. Un premier cadeau d'Allah, il était Zayd en train d'essuyer avec amour les blessures, les pensées, les blessures de Muhammad. Et de loin, il y avait les deux enfants, c'est-à-dire les propriétaires de ce champ, de cette vigne, ils ont vu le prophète, ils avaient un peu pitié de lui. Ils avaient un esclave qui s'appelait Addas. Addas était un chrétien. Ils lui ont donné un peu de raisin, ils lui ont dit, va lui donner ses raisins. Et le prophète prononce ses raisins, des mains de Addas, il a dit quelque chose d'extraordinaire. Il a dit Bismillah. Sachant que Addas, il a dit les gens de cet endroit ne connaissent pas ce que tu viens de dire. Qui t'a enseigné Bismillah? Et le prophète lui a dit, comment tu t'appelles? Tu es de quelle religion? Et tu es de quel endroit? Il lui a dit, je suis chrétien et je suis de Nainawa, l'ancienne Mésopotamie aujourd'hui. C'est une grande province en Irak. Il lui a dit, tu es de Jonas Ibn Matta. Il lui a dit, mais comment tu connais, toi, Jonas? Les gens d'ici, c'est des polythéistes, ils ne doivent pas connaître ces gens. Il lui a dit, c'est mon frère, je suis un prophète. Et lui, il est un prophète. Et là, Addas va se pencher sur les pieds du prophète sallallahu alayhi wa sallam, embrasser les pieds du prophète sallallahu alayhi wa sallam aux yeux de ses maîtres. Et quand il est revenu, ils lui ont dit, malheur à toi, pourquoi tu embrasses les pieds de cet homme qui a été expulsé? Il a dit, ces gens qui ont frappé cet homme ne connaissent pas sa valeur. La meilleure, moi j'ai embrassé les meilleurs, les plus nobles pieds qui frôlent la terre aujourd'hui. C'est ces pieds de cet homme. Il a continué, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, mes chers frères, mes chers sœurs, ce voyage terrible, et il est resté, il ne pouvait plus rentrer à la Mecque, parce qu'ils vont le tuer. Il ne pouvait plus revenir chez lui. Et la coutume de l'époque, pour rentrer, il fallait trouver, rentrer sous la protection de quelqu'un. Et c'était sous la protection d'un polythéiste, d'un mouchrik, qui a accepté, un homme courageux, qui a accepté de protéger Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et il était d'un grand soutien pour Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais avant de rentrer dans cet endroit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait un dua que je vais partager avec vous. Et je veux qu'on tire un enseignement de ce dua. Il a fait un dua extraordinaire que beaucoup de musulmans le connaissent aujourd'hui. Il a dit, il va se plaindre à Allah de ce qui s'est passé. Mais regardez entre Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sa sunna, sa façon de réfléchir, et nous, aujourd'hui, on va voir qu'on est un peu. Il a dit, Allahumma ilayka ashku da'fa quwwati wa qillata hilati wa hawani 'ala an-nas. Ya arhamar rahimin, ila man takiluni. إلى بعيد يتجهمني أم إلى قريب ملكته أمري إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي غير أن عافيتك هي أوسع لي أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له ضاء الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن يحل في غضبك أو عقابك. Ce dua nous apprend l'esprit de la responsabilité qu'avait le professeur. Au contraire, l'esprit de la victimisation, malheureusement, dans beaucoup de musulmans. Malgré tout ce qui s'est passé, Ya Allah, je plains, je te plains quoi? Mon impuissance à moi. Il n'a pas dit, Ya Allah, punis ma succession, voilà si mon pays. Non, peut-être ce qui s'est passé parce que je n'ai pas assez de force, je n'ai pas assez de stratégie pour leur faire comprendre, c'est moi, ce n'est pas eux. Et c'est cette sunna qu'on a besoin de musulmans aujourd'hui, quand il y a des soucis, quand on a des problèmes. Quand il y a des soucis, qu'on s'attaque à notre prophète, à notre religion, qu'on se dit comment Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a réagi, on va réagir avec la même dignité qu'il a fait. Et on va dire, est-ce que nous on fait quelque chose que peut-être qui n'est pas convenable qu'on doit la changer et dire que c'est les autres, c'est très facile. Malheureusement, aujourd'hui, il y a cet esprit de victimisation. C'est les autres qui ne nous aiment pas. Et qu'on finit avec les esprits humains, c'est le monde des djinns, c'est le serf, c'est le haïn, mais jamais nous. Et bien, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'était pas comme ça. Ce qui va se passer, Khouani, il va être couvert par un nuage. Quand il va lever sa tête, c'était l'archange Gabriel, accompagné de l'ange qui gère les montagnes. Il va lui dire salam alayka ya Muhammad. Inna rabbaka ra'a ma fa'alou. Ton Seigneur a vu ce qu'ils ont fait de toi, et je suis l'ange qui contrôle les montagnes avec un plein d'œil, avec un ordre, je les écrase sous ces montagnes. Je les anéantis tous. Est-ce qu'il a dit Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Bien sûr que non. C'est une miséricorde inventée pour les univers. Il a dit non, moi j'ai toujours, j'espère que de leur progéniture viennent des gens qui adorent Allah sans rien y associer. Même si eux, ils m'ont fait ça, je garde l'espoir. Et c'était de ces gens qui ont frappé Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, de Taqif, qui sont venus des grands. Il est venu quelqu'un qui s'appelait Mohammed al-Fatih, que tous les pays du Sindh, de l'époque, le Pakistan, et une grande partie de l'Inde, ils sont musulmans grâce à ce Mohammed al-Fatih, à ce dua de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ça, mes chers frères, on dit que l'Isra ou le Mi'raj c'est un cadeau. Qu'est-ce que cela veut dire? Après toutes ces souffrances, Allah est en train de dire à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Même si tous les gens de la terre ne reconnaissent pas ta valeur, ne reconnaissent pas, ne te considèrent pas, ô mon bien-aimé, viens chez moi, viens ce que Allah est là, pour savoir que la terre, par rapport à ce que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est rien du tout. La qadra a min ayat rabbihi al-kubra, li nuriyahu min ayatina. Il a vu des grands merveilles de son Seigneur. نسأل الله عز وجل في قناة وإياكم من اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا سيد ولد آدم أجمعين. اللهم صل عليه وعلى أهله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم يا أرحم الراحمين. On a passé le temps, mes chers frères, mes chers sœurs, mais je dois dire quelques enseignements de ce très très beau voyage. Ça, c'était terrestre. Et le voyage céleste où le prophète Mohammed, il était accompagné de l'ange Jibril alayhi salam, où ils sont partis du premier ciel, deuxième, troisième, et dans chaque ciel, il rencontre des prophètes. Comme ça, il a vu Adam au premier ciel, il a vu Yahya et Isa, Jésus et Jean-Baptiste au deuxième ciel, il a vu Youssouf, troisième ciel, Idriss le quatrième, Harun le cinquième, Moussa le sixième, et Ibrahim alayhi salam au septième ciel. Et là, à présent, que Allah subhanahu wa ta'ala, il va donner un cadeau à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. un certain endroit au-dessus du septième ciel, le prophète Sansu va se rendre compte qu'il est resté tout seul. La compagnie Jibril, il n'est plus avec lui. Il lui dit, « Afi Jibril, afi hada al-makan yasurkul khalil ou khalilah. » Est-ce dans cet endroit que tu me laisses, où tu es, pourquoi tu ne continues pas ce voyage avec moi ? Il a dit à Hadid, « Ya Muhammad, anta ila taqaddam tahtaraq, amma ana ila taqaddam tukutwa tahtaraq. » Allah est autorisé. Chacun de nous, il a un endroit à ne pas dépasser. Allah est autorisé, tu peux aller où tu veux. Mais moi, sache, si j'aurais avancé d'un pas, je serais brûlé par la lumière de Dieu. Je ne peux pas résister au-delà de ça. Et là, Allah va donner ce cadeau qui est la prière. As-salat. C'est la seule obligation qu'Allah, il nous l'a donné au prophète, ce cadeau, il lui a donné au ciel, pas à la terre. Voyez, walillahi matal a'la, si un roi ou un gouverneur, il doit dire quelque chose à son ambassadeur dans un pays lointain, peut-être qu'il peut lui dire par un mail, par un texto, par un téléphone. Mais c'est quelque chose qui est important, peut-être qu'il va lui envoyer un émissaire. Mais c'est quelque chose, il est vraiment du secret d'État, très intéressant. Il dit, tu viens ici. Et bien la prière pour nous dire que c'est quelque chose de très important. Il n'a pas été envoyé par l'ange Gabriel. Il a été convoqué, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, au-delà du 7e ciel, pour avoir cette prière. Ils étaient combien ? Ils étaient 50 prières. Pourquoi ils étaient 50 prières ? Parce que comme Allah nous a créés, on est capable de faire 50 prières par jour. On peut faire 50 prières par jour. Mais quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam est redescendu, il a croisé le prophète Moïse, Moussa alayhi salam. Il lui a dit, qu'est-ce que ton Seigneur t'a donné ? Je suis content, il m'a donné 50 prières. Il lui a dit, reviens. Reviens chez ton Seigneur et demande-lui l'allègement. Ta communauté ne pourra pas faire 50 prières. Et il a écouté le conseil de Moussa alayhi salam, il est revenu. Il lui a dit à Allah, allège pour ma communauté. Et il lui a donné 40. Puis après la même chose, Moussa tout le temps il va lui dire, reviens, ils ne supporteront pas 40. Ils sont devenus 30, 20, 10 et 5. Et Moussa alayhi salam lui a dit, reviens chez ton Seigneur et demande-lui l'allègement. Ils vont pas prier les saintes prières. Crois-moi parce que j'étais avec les enfants d'Israël, Jésus, et je sais que les gens ne vont pas faire ces prières. Et là, le professeur me dit, j'ai parti revenir à Allah subhanahu wa ta'ala. Je suis embarrassé de revenir une autre fois pour lui demander ça. Voilà qu'il parle à Rousselle et j'accepte et j'agrée ce que Dieu m'a donné. Et là, le prophète Rousselle, dans l'authentique de Bukhari, nous dit, j'ai entendu une voix me dire, « Laqad amdaytu faridati wa khaffaftu ala ibadati. » Mon obligation, ça veut dire la règle est la même. 50 prières, c'est 50. Et j'ai allégé pour mes serviteurs. Ils prieront 5 et je récompense 50. Ils prieront 10 prières dans la pratique, mais dans les récompenses, ils sont 10. C'est cette prière, mes chers frères, qui est très importante, qui est notre lien entre nous et Allah subhanahu wa ta'ala. Quand Mohammed sallallahu alayhi wa sallam voulait dire à Bilal, fait l'adhan, vous savez ce qu'il disait ? Il lui dit, alechna ilaha Bilal. Repose, apaise nos âmes, la Bilal. C'est pas un fardeau. C'est une thérapie quand tu as des soucis. C'est pas une étrange. Il y a des croyants, il y a des gens vertus aujourd'hui qui font plus de 50 prières tous les jours. Ils passent la moitié de la nuit en priant. Ils sont pas des fous. C'est des gens qui ont goûté quelque chose. Quand tu as des soucis, tu parles à tout le monde, des gens qui peuvent rien te faire. Mais essaie de te lever dans le dernier tiers de la nuit, et de mettre ton front par terre et de rester une demi-heure en train de lui raconter tes soucis et tes souffrances. Tu vas voir des choses illimitables qui vont t'étonner. C'est ça la prière qui est une obligation, mais en même temps un cadeau On voit la terre pendant le voyage ou pas le voyage. On est malade ou pas malade dans toutes nos situations. Je finis parce que le temps nous attrape, comme on dit, par aussi un enseignement de ce voyage. C'est que quand le prophète il est redescendu, Allah, dans la version Allah, il a ressuscité tous les prophètes. Ils ont tous prié dans le masjid al-Aqsa. Et l'imam, c'était, le grand imam, c'était Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est un symbole, c'est quelque chose de symbolique, que tous les prophètes sont des frères. Ils ont la même religion. Tous les prophètes, ils sont dans la même continuité, dans la même logique, dans la même religion. Et aussi, c'est dans ce moment-là que l'ange Gabriel, Jibril alayhi salam, il va lui donner trois récipients dans le contexte de Mohammed. Un, il y a du lait, l'autre, il y a du vin, et l'autre, il y a du miel. Il a dit, tiens, choisis. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va choisir le lait. Et Jibril, il va lui dire, tu as choisi Al-Fitra, tu as choisi la nature primordiale. Le lait, c'est la première chose que le bébé de l'être humain met dans son ventre après la naissance, parce qu'il est connecté à cette fitra. Et cette fitra, cette nature première, cette beauté qu'on ramène dans cette vie, on peut la traduire aujourd'hui, mes frères, c'est quelque chose au fond de toi qui s'appelle le bon sens. Le bon sens, c'est qu'on te parle, qu'on te dit sur l'islam, ce qu'on te dit, demande au fond de toi. Demande avec ces filtres qu'Allah t'a donné. Ce qu'on te dit sur l'islam, le filtre premier et dernier, ça reste la miséricorde, la beauté intérieure et la beauté extérieure. Si c'est contre ça, c'est contre ta filtre, contre ton bon sens, c'est ce qu'il y a un raté quelque part. Jamais ça peut venir de Allah subhanahu wa ta'ala quelque chose de mauvais. Le Coran, il ne comporte, et on le dit devant tout le monde, c'est un message d'amour, de miséricorde et de justice. Celui qui voit autre chose dans le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, soit c'est un ignorant, soit quelqu'un que sur son cœur il y a un cadenas. أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا. Le cœur essaie, il ne peut pas comprendre. Mais s'il comprend, il ne voit que la miséricorde, que la beauté et la bonté. Rawi l'imam al-Tirmidhi, عن سيدنا عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما عرجت أعرج بي لقيت إبراهيم عليه السلام وقال لي يا محمد صلى الله عليه وسلم أبلغ أمتك أو أقرئ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة عذبة الماء طيبة التربة وأنها قيعان وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما وتفرقنا يا رب من بعد سالما من كل شر معصوما. اللهم لا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما ولا معذبا في النار. اللهم ارحمنا فوق الارض وتحت الارض ويوم العرض عليك يا رب العالمين. اللهم ارحمنا بترك المعاصي ابدا ما احييتنا. اللهم ارحمنا بهجر الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم اشفنا واشف مرضى المسلمين ومرضى العالمين يا ارحم الراحمين. اللهم اشف لنا قلوبنا واشف لنا السنتنا واشف لنا افكارنا واشف لنا قلوبنا يا ارحم الراحمين. اللهم اشف لنا ابداننا. اللهم انصر بنا وتب علينا وعافنا واعف عنا. اللهم صل على سيدنا محمد في الاولين. اللهم صل على سيدنا محمد في الاخرين. اللهم صل على سيدنا محمد في الملأ الاعلى الى يوم الدين. اللهم امين امين والحمد لله رب العالمين. واقم الصلاه.